Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Réellement, le Seigneur Jésus, c'est lui le grand roi. Amen. Il y a eu un grand roi dans le passé. Ça doit être l'empereur Napoléon. Je crois ceux qui apprennent l'histoire connaissent bien l'histoire de Napoléon. Ça a été un très grand empereur sur la terre. Napoléon a quoi mutawala mukubwa kabisa pa dunia. Il a livré bataille, il a gagné. Personne ne pouvait faire face en son temps. Il avait fait un constat. Il dit, cet homme de Jésus, par rapport à nous, tous nous tous les rois de la terre, nous exerçons la force, nous avons les armes, nous avons le fouet, nous intimidons les gens pour les amener à se soumettre à nous. Il regarde dans le passé. Il dit, regardez César. Il a régné sur toute la terre. Regardez l'ancien roi grec ici. Alexandre. Il a régné. Nabucodonosor a régné. Aritawala. Mais c'est toujours par la force. Mais ils utilisaient la force, la violence. Mais cet homme de Jésus. Quand il regardait aux croyants, ils disent, mais Jésus est invisible. Mais ces gens ici, mais Abatu, qu'est-ce qu'il fait que ils sont obéissants, ils ne le voient pas et ils acceptent même de mourir. Et Napoléon il s'est tourné vers ses conseillers, il dit, c'est vrai, je suis empereur, je suis roi, je suis puissant, j'exerce la force, mais César l'a fait. Ah, César l'a fait aussi. César a dit, tu m'y en as. Alexandre l'a fait. Mais quand je regarde aux croyants, je comprends que Jésus là, c'est lui le grand roi. Amen. Amen. Amen. Il était parce que lui a un effet dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, son influence va dans le cœur de l'homme. Et pourtant, nous ici, on nous obéit. Mais après un temps, il y a toujours révolte. Mais lui, on l'obéit jusqu'à la mort. Amen. Amen. Vraiment, Jésus est un grand roi. Ce qu'il fait comme œuvre, aucun homme de la terre ne peut le faire. Même l'argent ne peut pas faire ça. Son œuvre est tellement puissante. Mais quand vous regardez aux yeux, ce n'est pas signe rien. Mais là, dans le cœur, c'est une action tellement puissante que l'homme tombe même par terre. Amen. Amen. Amen. C'est pourquoi quand un homme, quand une femme, et que l'œuvre de Dieu s'est accomplie en lui, mais même après sa mort, donc, vous allez vous souvenir de lui. Comme on parle d'Abraham, toi, c'est message à Ibrahim, de Noé, toi, c'est message à Noah, de Daniel, de Daniel. Tout ça, c'est quoi? L'œuvre divine dans un homme. Dani Amutu. Douglas Tumtumbe Kujimina. C'est combien? Lorsque nous serons partis, on dira que ces gens des tabernacles, même leurs enfants, ils étaient toujours pressés à l'aller. C'est Ngoï qu'ils ont peur de Ngoï. Ce n'est pas Ngoï que nous avons peur. C'est quoi? Nous avons aussi Jésus-Christ. Et nos œuvres resteront et parleront. C'est pourquoi tu connais nous chantons ces cantiques. Nimbo Mupia 300. Nimbo Mupia 363. 363. Suivez bien ce cantique-là. Faites-vous ouvrir. C'est un très bon cantique. Un cantique de Mouba Mouzouri Kabisa. Oh, Je vais prier. Nitaomba. Oh Dieu. Oh Mungu. Le grand Dieu qui puisse exister. Mungu mkubwa ule kwako. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Le seul Dieu. Mungu pekee. Invisible à l'œil nu, mais dont les actions sont très fortes dans le cœur de l'homme. Réellement, Seigneur, nous sommes ton peuple. Tu es celui qui a parlé à nos cœurs et qui nous avait convaincus. Qui avait ouvert l'esprit, qui avait ouvert nos yeux. Nous sommes le produit de ton appel. Nul autre ne pouvait nous convaincre si c'était toi. Et nous voici rassemblés devant toi. Comme tu es présent, toutes les âmes sont à toi. Tu es le Père de tous les esprits. Le véritable Sauveur, c'est toi. C'est lui seul qui pardonne. C'est lui seul qui peut guérir. C'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Tu es celui qui fait toute bonne œuvre en ton temps. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de ton serviteur en déplacement. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces lieux. Que tous les esprits soient soumis à ce que l'Esprit fera en ces lieux. Souviens-toi de ceux qui suivent en ligne. Nous te le demandons avec foi, sachant que tu es Dieu qui écoute et qui fait ce que nous te demandons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Pouvons-nous lever? Job 14. Job plutôt 42, pas 14. Ah, misame, makumi ine na mbili. Job 42. Makumi ine na mbili. Verset 1. Mustari yake ya kwanza. Job répondit à l'Éternel et dit: Yobo akamjua milele na kasema, je reconnais que tu peux tout. Natambua kwamba unaweza yote. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Na hakuna kitu hata kimoja kinaweza kupinganisha mawazo yako. Pouvez-vous asseoir? Unaweza kula. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais, avant la prédication, d'abord présenter les salutations de l'homme de Dieu, le pasteur Ngoindai. Il a salué toute l'assemblée dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les rendez-vous avec le médecin continuent. On lui a arraché une dent hier. Et il a encore un rendez-vous lundi. Je crois que Dieu voulant, peut-être quand il aura tout terminé lundi, mardi, il sera ici chez nous. Et le Seigneur voulant, peut-être demain je fais de Lubumbashi aussi. On pourra revenir ensemble avec lui. Et le frère Mundu, Dieu voulant, il prendra la chair. Mardi. Amen. Amen. Nous invitons le frère Yannick Kisimba. S'il peut venir. Ce sont mes minutes, vous allez. Madakika yangu mtensamea kidogo. Ça va? Le frère Yann est depuis un temps au milieu de nous. Kunakuwa kati moya fulani ndugu yangu tuko naye katikati yetu. Avec la sœur Jessica, sa femme. Pamoja na Jessica mke wake. Mais personnellement, nous ne vous les avons jamais présentés. comme étant membre effectif de cette assemblée. C'est ainsi que ce jour, nous vous le présentons comme membre faisant partie de notre assemblée locale. Lui et da Jessica, sa femme. Et par la même occasion, ils ont maintenant une adresse. Vous voulez les visiter, aller au coin de la 7e avenue, à côté de la boutique de notre frère Dadi. Donc il est voisin, le couple Yann est voisin au couple Fabrice et Irénée. Irénée, oui. C'est là qu'ils logent, c'est là leur adresse. Allez communier avec eux. Édifiez-les. Consolez-les. Soyez dans la chaleur avec lui. Comptez sur lui. Et lui, même comptera sur vous. Comptez sur Jessica. Jessica doit compter sur vous. Vous êtes les frères et les sœurs que le Seigneur leur a donné. À cause de Golgotha. Nous devons être un don pour eux. Une consolation, une édification. Nous devons représenter Jésus-Christ auprès de ce couple. Amen. Devons dégager une bonne odeur vis-à-vis de Yann et Jessica. Et par la même occasion, la sœur Jessica, c'est depuis hier qu'elle est sortie de la maternité. Dieu leur a fait un bon don d'un garçon. Et Dieu a été un soutien pour eux. Dans les vallées, ils sont passés par les vallées. Et en fin de compte, chaque épreuve a toujours débouché dans un moment de gloire. Que le Seigneur les bénisse. Et que le Seigneur bénisse leur foi. Et qu'il les fasse prospérer. Et que leur maison soit un sanctuaire de paix. Amen. Vous pouvez rentrer, frère. Très bien. Nous allons mettre une virgule aujourd'hui. Le livre de Job, mon frère et ma soeur. Il y a trop de choses. Lui-même, le livre retrace tout le plan de la rédemption. Tout le livre de Job a en lui les sept âges de l'Église. Job lui-même, c'est un type de croyant, des élus. Amen. Il était un prophète. Frère Branham, je venais de lire ça, je crois, mercredi. Voilà, mercredi. Je crois que c'est dans Job, le serviteur de Dieu. Je me trompe. Et c'est pourquoi on est dans la vie. Il dit, c'est vrai qu'il était prophète. Il représente le véritable croyant du Nouveau Testament. Il est celui qui recevait l'inspiration en son temps de la part de Dieu. Inspiration ni kusukumwa. Dieu a kusema pour parler. Il recevait ça de la part de Dieu. Et il représente le croyant du Nouveau Testament. Parce que le croyant est censé dépendre entièrement du Saint-Esprit pour agir, pour parler, pour se marier, pour faire quoi que ce soit. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 17, que tout ce que vous voulez faire, en acte ou en parole, engagez Jésus. Amen. Faites-le au nom de Jésus. Faites que ça soit Jésus qui vient vous le dire, de communiquer ça, d'agir comme ça. Et tout ce que vous ne pouvez pas faire au nom de Jésus-Christ, comprenez que c'est Satan. Alors ne le faites pas. En termes clairs, ce que vous voulez faire ou dire en acte ou en parole, si vous avez une, deux, trois écritures, faites-le. Si ce que vous voulez faire, vous voulez dire, ce que vous voulez porter comme habillement, vous n'avez pas un appui biblique, ne le faites pas. Amen. Amen. C'est ça notre thermomètre. Amen. Nous nous mesurons si en toutes choses à l'écriture. Mandiko. Et si vous ne pouvez rien faire, na kama kimoya, ou plutôt ce que vous voulez faire, na kama kino et que ne trouve pas de base biblique, na misingi ayo mbibia, et que vous avez un intérêt, na, un motif particulier, buku, na kifuzio kimoya kia upeke, ne le faites pas. Kifanya. Dieu. Mungu. Dire vengeance, même kisasi. Des choses cachées auprès de tout le monde, mais lakini, là dans le fin fond Mupana, de votre cœur, Dieu sait voir Mungu, le motif kona, qui vous anime, la cause pour laquelle vous voulez Dieu faire ça. Upenda, fanya vile. Il est un Dieu qui connaît même le nombre de nos cheveux. Alors faites attention, sasa, c'est un angu. Dieu terrible. Ni Mungu akushangaisha. Eh bien, Muzuri. Toute sa vie Job, c'était au temps où il n'y avait même pas de prédicateur. Ataba ubiri. Il était lui-même prédicateur de lui-même. En son temps, yake, Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a ouvert les yeux, macho, et Dieu a parlé à son cœur. Et cet homme-là était très touché à la rencontre de l'ange du Seigneur en son temps. Il n'a pas vu un ange, non. Quelque chose l'a convaincu dans son cœur. Une action surnaturelle a touché son cœur. Ne trouvez pas que ça, c'était vraiment spécial. Non. Pour croire en Christ, pour croire ce message, il faut une même action surnaturelle dans ton cœur, mon frère, et dans ton cœur, ma soeur. Si cela n'est pas, tu fais de la religion. Si aucune action surnaturelle dès le départ n'avait jamais eu lieu, tu fais du formalisme. Et c'est très dangereux parce que nous sommes au temps où le formalisme a atteint son niveau le plus élevé. Amen. Alors faites très attention. Nous ne voulons pas pour nos frères et pour nos soeurs faire un formalisme religieux. Non. C'est très dangereux. Vous êtes à un endroit où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Où le Saint-Esprit, où l'ange du Seigneur va d'une sœur à une autre, va d'un frère à un autre. Ne ratez pas l'occasion. L'ange est à l'œuvre même jusque ce matin. Tout ça pour faire quoi? Réveiller quelque chose dans ton cœur. Est-ce que permettre à recevoir la semence de vie de la part de Dieu? Amen. Amen. Et cet homme de Dieu, durant son séjour terrestre, a eu la grâce. Le Seigneur l'a croisé son chemin. Comme il a croisé ton chemin, et chacun de nous ici. Et lui était très touché aussi. Comme tu es très touché. Il a consacré toute sa vie. Depuis lors, il n'a pas voulu s'en débarrasser. Il s'est attaché à cette chose. Là, ne vivant que dépendant de cette action divine, il ne voulait rien faire qui s'oppose à la voix intérieure qui lui parlait. Avez-vous une voix intérieure qui vous parle aussi? Oui. Tout véritable croyant, il y a une voix intérieure qui lui parle. Cette voix intérieure, c'est ça Jésus. Il parle, il convainc, il conduit. Et c'est cette même personne, le jour où il apparaîtra physiquement, la même voix là, tu reconnaîtras que c'est lui. C'est cette voix qui me parlait souvent. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dire. Oui, c'est ça. Dio, Dieu vile. Comment allons-nous le reconnaître? Tu as une photo? Moi, je n'en ai pas. Quand il parlera, je reconnaîtrai que c'est cette voix. Quand je revenais de l'aéroport, au niveau de Shekinah, tu m'avais dit, arrête le véhicule. Va demander des brochures. Je reconnaîtrai ça. Je dirais, c'est cette voix qui m'avait parlé. Maintenant, il est devant moi en tant qu'homme. Et je lui dirai, tu es terrible. Ce sont tes effets là. Parce que la voix de Dieu dans le cœur de l'homme a des effets, frère. Plus que l'argent, plus que le diplôme de licence. Psaume 29. Zaburi makumi mbiri na tisa. Psaume 29. Zaburi makumi na tisa. Psaume 29. Ma combinatissa yazabu. Verset 3. Sakatatu. La voix de l'Éternel. Saotu amileni. Retentit sur les eaux. Ne karamu kuria pamai. Même sur les eaux, elle a des effets. Ata pamaji ne karama tukio. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Mungu autukufu anekaraka mkudirisha mamungu. La voix de l'Éternel. Saotu amileni. Elle est puissante. Ya uwezo. La voix de l'Éternel est majestueuse. C'est-à-dire, quand il parle, tu sens en toi du respect directement. Tu te dis, il faut que j'obéisse à cette voix que j'entends. Il faut que je fasse ce que cette voix m'a demandé. C'est quand lui parle à quelqu'un, automatiquement, la décision doit naître en toi d'obéir à ce qu'il t'a dit et rejeter toute autre voix. C'est pourquoi elle est majestueuse. Elle suscite du respect. Amen. Elle suscite une décision de respect dans l'homme. Amen. La voix de l'Éternel, verset 5. Brise les cèdres. Même si tu étais têtu. Peu importe que tu étais désordonné. Ça va s'arrêter. Pourquoi? L'effet du Seigneur qui parle à un homme. Tout l'ancien caractère. Ça va disparaître. Ouais, quelle école peut faire comme ça? C'est quel pays? Dubaï. Oh, je suis parti Dubaï, Dubaï ne peut jamais donner de tels résultats. Oh, il était parti au Japon. Japon ne peut donner jamais de tels effets. Oh, Barpatana, la présidente. Si on a rencontré avec tel président, le président ne fera les jamais gens vont chez des présidents. Les gens vont chez des présidents. Hypocrites. Ils répartent hypocrites. Et même plus hypocrites. Amen. Même le mariage n'a pas d'effet comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un peut aller au mariage. Étant une fille pieuse, il rencontre un méchant. Le méchant le contamine. Et tous deux deviennent des méchants. Amen. Elle brise les cèdres. Les cèdres du Liban. Il le fait bondir comme des veaux. Il le fait. Il est wamilele. Et qu'on a tout à Michin, quoi ça, vous appelez ça en Swahili comment? Ça va banda quoi? Ah, vaut. Kato tangombe, voilà. Ça, c'est l'Éternel. Verset 7. Ça qui est ça? La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ah, bon embarik. Fais trembler le désert. Fais enfanter le verset 9. Elle fait enfanter des biches. C'est-à-dire, quand Jésus rencontre un homme ou une femme, et que Jésus parle dans son cœur, frère, cela fait naître un caractère. Une nouvelle nature doit naître dans cet homme. Bon embarique. Je ne voudrais pas trop m'écarter de mon sujet. Job en son temps, c'est cela qui a eu lieu. La voix qui a parlé à son cœur l'a rendu particulier, différent de tous les contemporains de son temps. Ça l'a rendu Job très obéissant et très intègre. Amen. Amen. Et Job, l'effet de cette voix-là a fait que Job, même quand il est rentré chez lui, frère, il a tenu sa maison sous la discipline de cette voix. Et même il a fait élever ses enfants. Il en avait 10. Dans la crainte, dans le respect. Il passait tout son temps, frère, dans la sanctification. C'est quoi ça? L'effet de la voix que toi tu prétends avoir entendu. Mais regarde comment tu vis. Lakini tazama sana namna kunaishi. Vous voyez? Jésus vous a parlé. Yesu akusemezea. Jésus vous a attiré. Yesu alikuvuta. Parce que l'écriture dit, nul ne peut venir si je ne l'attire. Job a été attiré. Toi tu es attiré en ce temps. Le même Dieu. Mungu mamoja. Mais les effets, on constate que sont différents. Qui est menteur? Sasa, ni nani analanda? Dieu ou nous? C'est nous. Nishie. Parce que Job ici était un témoin. Les mêmes effets chez Job, on les a vus chez Abraham. Un homme âgé de 75 ans, il a décidé de quitter son pays. Sa famille s'est rassemblée. Réunion de famille. Il faut la famille d'abord. Tu dois écouter la famille. Abraham s'est opposé à sa famille. Tu peux demander si on n'a pas de manger. Cet homme est tombé malade. Oui. La voix du Seigneur peut faire enfanter quelque chose dans un homme, dans une femme. Un caractère, une décision que même le conseil familial ne saurait bloquer. Mais toi, la famille, frère, famille, Dieu, famille. Sa famille, c'est la famille. C'est le pas sacré. Elle brise la voix du Seigneur. Brise les cèdres. Chez nous, nous n'avons pas de cèdres. Le baobab de Stanley, comme on dit. Stanley pour le Congo central. Il est mouti. C'est tard. Je crois qu'on est ici. Il est ici. On peut commencer de la chair. Jusque là où il y a des frères. Mais maintenant, regardez le contour. Les cèdres ne se retrouvent qu'au moyen cèdre, au Liban et au Liban, dans d'autres pays là-bas. Non, ma ce sont des grands arbres, des arbres costauds. Mais quand Dieu parle, non, quand la sema, les cèdres peuvent se déplacer. C'est pour montrer, quelle que soit la grandeur d'un homme, quelle que soit sa têtue, quelle que soit son insoumission, mais si la sœur là, Jésus parle à son cœur, la soumission doit partir. Mais tu demeures insoumise. Mais qui t'a parlé? Kuti, ni nanya ce n'est pas Jésus. Aina Yesu. Même l'hydroquinone. Ata kutakata. Devant la voix, Jésus parle à une femme. Ya Mungu, Mungu l'hydroquinone la part. Kutakata kutaisha. Donc, ça c'est un formalisme. Il est nous sommes à l'âge où tout est en train de monter à son niveau le plus élevé. Alors vérifiez bien vos expériences. Amen. Ne tombez pas dans le formalisme. C'est l'âge du formalisme religieux. C'est dans les temps où mais sans mais la une expérience vraie, sans un appel vrai, mais nous sommes ici pour les véritables brebis du Seigneur viennent boire. Ne ratez pas l'occasion. Le Saint-Esprit jusque ce matin, l'ange du Seigneur est enseigné. Dites d'abord que Seigneur, Buana, je voudrais boire aussi. Parle comme la Samaritaine. Sema saule msamaria. Donne-moi de cette eau là. Dis ça, murmure ça dans ton cœur. Avant la moura fin de la réunion, l'ange là qui me donne ses paroles viendra là où tu es et te fera expérimenter na, ça. Atakufanya uonje ile. Que le Seigneur bénisse. Ah, nous, on ne fait pas de la religion ici. On est dans un christianisme, frère. Quelque chose a parlé à nos cœurs. Quelque chose a parlé au cœur des frères et des sœurs. Et les élus qui sont ici sont témoins de la chose. Ils savent que depuis lors, ils sont prisonniers de la voix qui avait parlé à leur cœur. Cette voix est celle qui les conduit. Même quand ils ont fauté, personne ne vient les exhorter. La même voix là leur exprime leur mécontentement et dit je ne suis pas d'accord avec toi. Et les élus n'obéissent qu'à la voix qui parle dans leur cœur. Parce que cette voix, quand elle te parle, elle t'indique l'écriture. Amen. Soyons sérieux. Nous sommes dans des choses réelles de Dieu. C'est pourquoi pour nous, Jésus-Christ est une réalité. Amen. Cet homme de Dieu étant devenu prisonnier de cette voix, il s'est rendu obéissant. Cette voix a suscité un Job de l'obéissance. Amen. Si bien que même ses enfants étaient témoins que quelque chose s'est passé dans la vie de notre papa. Même les membres de sa famille biologique ont conclu que Job ou est aussi la ville Kuyaka. Non, Job ici, il n'est pas ce qu'il était. Bon embarque. Et chaque jour, quand ses enfants rentrent le soir, si vous arrivez chez Job, il y avait toujours des réunions de prière le soir. Quand Job, quand vous arrivez, exhortation. Il y avait toujours le même Dieu, celui qui t'a appelé, ou la Rukuita, c'est lui. Chez Job, il devait sanctifier ses enfants chaque jour. C'est le même Dieu qui t'a parlé. Voilà le christianisme. Mais nous sommes là. C'est pas pour rien. Dansez très bien. Jésus est roi de rois. Mais il règne quelque part. Et le territoire sur lequel il règne, c'est dans notre cœur. Parce que l'homme, c'est son cœur. Jésus règne dans ton cœur. Et te laisse vivre comme tu veux. Non. Quand il est devenu le roi dans le cœur de Job. Écoutez comment Job a parlé. Job. Job. Job chapitre 23. Yobo ma kumimbina tatu. Job 23. Ma kumimbina tatu. Job 23. Frère, frère Nestor, celui qui est à côté de lis la Bible avec Nestor. Il est en train de jouer avec ses ongles. Arrête de jouer avec tes ongles. Lis la Bible. Yobo, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Comment j'ai marché. Il connaît ce s'il me prouvait, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. Il y a mbatana mumatua yake. C'est là où la parole de Dieu dit, c'est là que je marchais. Même si je flottais, je m'efforçais de retourner sur le droit chemin. Depuis qu'il a parlé à mon cœur, mon cœur s'est attaché et tout ce que je suis s'est attaché à ses pas. En d'autres termes, là où il me disait de marcher, c'est là que je marchais. Est-ce que c'est comme ça? Tout ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que toi tu fais. Toi tu es la femme, toi tu es le mari. Est-ce que tout ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que tu as toujours fait dans ta maison? Ton cœur est témoin. J'ai gardé sa voix. Je ne m'en suis point détourné. Je ne n'ai point abandonné le commandement de ses lèvres. Donc il lui parlait. Job n'avait pas d'écriture. Mais le Saint-Esprit parlait à son cœur. Arrête d'envier la femme. Job dit amen. Job disait amen. Job dit amen. Job disait amen. Arrête là. Job dit amen. Yo, bah, c'est ma amen. Pas de prédicateur. Pas de diacre. Mais la voix là. Il est saoudi. Faisait office de pasteur. C'est la même voix que nous avons. Vous ne tremblez que devant Goïda. Devant le diacre. Mais pour le reste. Mais quoi, il y a Pepele. C'est le même Dieu qui t'a parlé aussi, qui t'avait attiré pour aller te faire baptiser. Mais regarde ici. Comment les effets là-bas ici sont différents? Toi, tu as la photocopie, mais pas Dieu. J'ai fait prier ma volonté ma à ce que lui me disait. J'ai dit ma volonté, ma tu n'as pas de place ici. Oui, je vais mettre les mèches, mais comme lui a dit non, j'ai fait ce que lui dit. Je vais utiliser l'hydroquinone. Comme lui dit non, j'ai fait ma volonté. Est-ce que c'est comme ça que nous faisons? Job, il est un calame qui fait. Dis-moi, Yoï. Je veux consommer ça. Mais la voix me dit. Mais il est non. Je dis. Mais ça va. Je fais ce que la voix me dit. Il est saouti à mon gambi. C'est ce que tu fais. Et fanyaka. Nous sommes à la fin. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est comme ça que cet homme hein, a appris à vivre tout, durant tout son séjour. Il a même inculqué ça à ses enfants. Et les enfants de Dieu vivaient les mêmes expériences. C'était ça la vie dans la maison de Job. Maisha munyumba ya Yobu. C'est ça la vie chez toi. Et Dieu le maisha kwako. C'est ça la vie de tes enfants. Et Dieu maisha watoto yako. Mais c'est le même Dieu qui t'a appelé. Lakini ni Mungu wa mola kuita. Frère, où mtoto acha unisha kiri. Nous cet enfant, j'ai pas comment expliquer. Mais les enfants de Job n'étaient pas têtus pourquoi? Vous savez ce que Job faisait? Job offrait un holocauste pour chaque enfant. Kila mangaribe ranza kutoa kondo moja ya kila mtoto sadaka. Il allait devant Dieu. Na alianza kwenda kumbele ya Mungu. Il réclamait l'âme de sa na fille. Na alianza kulomba l'âme de son fils. Nafsi ya mtoto yake na mwanamke na mwanaume na Mungu. Lui a accordé. Alianza kumpatia. Pourquoi? Jioni. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Timothée apiri sura ya pili mstari ya kwa ya pili na. Ce que Dieu veut. Na sakia Mungu anapenda. Que tous les hommes soient sauvés. Papate kokoyo. Et Job lui disait, comment c'est ça la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, mon fils doit être sauvé. Seigneur, sauve celui-ci, brise son incrédulité, fais quelque chose dans la vie de cet enfant. Job prenait son temps à jeûner, à prier. Toi, tu as un problème d'estomac. Oui, estomac na kumaka. Frère, donc, si tu fais, tu es jeune. Ouais, nous sommes sauvés par ouais. Ah, il avait trouvé aussi la grâce. Amen. Ah. Il réclamait. Ah. Il offrait le sacrifice pour que ses enfants soient protégés. Ses enfants soient sauvés. Amen. Et Dieu vous faisait ça. Et tu es sincère dans ta prière. Et Dieu n'a pas répondu. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de fausses choses en nous. Beaucoup de fausses choses. Job, frère. Avait une odeur, hein? Même partout là où il était. On le respectait comme un homme de Dieu. Je vais vous quartier, nous allons. Est-ce que dans votre quartier on témoigne que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que tes voisines, tes voisins? Peuvent dire la sœur de Tabernacle ici, elle ne peut pas se retrouver dans cette histoire. Des amis de l'école ou de l'université. Bah, université. Peuvent dire que bah, votre sœur bah, là, sema, de la faculté, votre faculté, non, il n'y a rien à dire. Tes collègues peuvent dire ça. Si tes collègues ne peuvent pas dire ça, il y a quelque chose de faux. Tu sens mal. C'est Satan. C'est Satan. Si dans ta famille, Job, frère, on n'a pas le temps de le lire. Quand il sortait sur la place publique, tout le monde le louait. Pas à cause de la fortune, mais parce qu'on voyait Dieu dans la vie de cet homme-là. Et ce que Job était, c'est ce que doit être un croyant du Nouveau Testament. Si on n'arrive pas à ce niveau-là, on a échoué, on est dérangé. Tunaisha kushinda. Parce qu'on prétend que c'est le même Dieu qui nous a appelé. Tunasema ni Mungu wa mwa ula tuita. Amen. C'est le même Dieu. Ni Mungu wa mwa. Frère, apa. Ici. Shibo du tukuri menu. Nous tous devons graisser les dents. Il faut ne fique pas capable. Je dois arriver à ce Christ, point. C'est-à-dire. Les chrétiens. Des grandes décisions. Mipango mkubwa. Sont en train d'être prises en ce moment. Bekone ibeba ni muiwa kati. Parce qu'ils se disent non. Ah bah c'est ma panne. Je ne peux pas rester si bas comme ça. Jésus. Je ne peux pas rester si bas. Je dois monter des niveaux. Chez moi, on doit commencer à prier chaque soir. Je dirais à ma femme, dans ma maison, nous devons être en paix. Il faut que dans ma maison, nous devons retourner. Je dois dire aux enfants de prier. Le Dieu, il est réel. Et l'ange, la malaïque, te viendra en aide. À ta quoi que ça dire. Amen. Amen. C'était ça la vie de Job. Dieu, comment est-ce mais arrivé un temps. La qualification à 4 mois, frère. Donc, les choses sont compliquées. Bituna Kwangou. Les enfants sont décédés. L'héritage est parti. Mais tout compliqué. Les gens sont des choses sont devenues difficiles. Dieu m'a dit non. Le Dieu que c'est lui que j'ai rencontré, c'est Dieu. Dieu m'a laissé comme ça. Et Timou, moi, je viens chez vous. Amen. Amen. Les choses se sont tellement compliquées que Job s'est dit non. Frère, pendant qu'il s'est posé pour mille et une questions, les frères et les Christ du tabernacle sont arrivés. Sont venus au deuil. sont venus. Le problème, qu'est-ce qui est arrivé à Job? La Bible les appelle des consolateurs fâcheux. Babaya. Je pense qu'ils sont venus consoler. Mais dans leur cœur, ils sont en train de se moquer de toi. Frère, dans ces mots, ta mère lui prie pourquoi elle n'est pas prise en mariage. Elle part à la prière chaque vendredi. Elle prie beaucoup. Mais pourquoi il prie beaucoup? Pourquoi il n'a pas d'emploi? Quand nous voyons dans l'église, nous pensons qu'il a le Saint-Esprit. Mais pourquoi il continue à être pauvre comme ça? Pourquoi il n'a pas d'enfant? Lui qui dit qu'il a Dieu. Lui il dit qu'il a Dieu. Et l'ange marche avec lui. Maintenant, pourquoi ses enfants sont décédés comme ça? C'était comme ça ces gens-là. Il croit Job Maoulizo Ababatu. Job, quand il les a entendus. Et Wakati Ayoub Arbashikia a dit, vous m'étonnez, vous? Mine Mishanga. M'étonnez. Prenez Job. Bébé Ayoub. Job chapitre 4. Yobo, iné. Job chapitre 4. Ayoub soit kayne. Verset 2. Ça qui a pire. Si nous osons ouvrir la bouche, quand on a osé ouvrir la kinyo, en seras-tu peiné? Eti. Bitakuma. Ça va te faire mal? Chiki. Moi, mon akwa kutiri. Tu es venu au deuil. Tu veux consoler quelqu'un? Est-ce que vraiment on est remis? Pardonne-moi. Ah, vous allez m'excuser. Supporte un peu ce que je vais te dire. Frère. Donc. Qui pourrait garder le silence? Voici. Tu as souvent enseigné les autres. Vendredi, tu trembles toujours. Tu 16 heures, tu n'as pas connu à Kanisa. Le vendredi à la prière, à 16 heures, on te voit. Tes enfants, tu les pousses souvent à l'école les dimanches. Verset 5. Et maintenant qu'il s'agit de toi. Ça, c'est Nimambo Yako, oui. Ça t'est arrivé. Si tu n'as pas que tout ce que le mal ne peut jamais t'atteindre. La souffrance ne peut jamais t'arriver. Comme tu as l'habitude de gêner, tu ne peux pas tomber malade. Toi, les choses doivent prospérer. Qui vous a menti ainsi? Parce que nous sommes des chrétiens. Et les choses vont marcher comme sur les roulettes. C'est faux. C'est faux. Verset 7. Écoutez ce qu'ils étaient en train de dire. 6. Sita. Ta crainte de Dieu. Normalement, Mungu, frère, moi je m'en ai Dieu devait se souvenir de vous. Consolateur. Fareji. Ta crainte n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance? N'est-ce pas ton intégrité? Si tu n'en as pas, vous êtes des soeurs intègres, comme vraiment, par la prière, le mal ne peut pas les atteindre. Ça, c'est fou. Verset 7. Cherche dans ton souvenir. Ta fouta comme au kumbusho yako. Quel est l'innocent qui a péri? Ni mutu kanashpo mambo ulan poteaka. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Ni mwenyera ki kanu le bariwaka. Pour moi, je l'ai vu. Mangu miliona. Ceux qui labourent l'iniquité. Barame kalamu kurima uovu. Et qui sème l'injustice. Na banekalaka mukupanda uzalimu. Amoissonne le fruit. Banekalaka mukuvuna matunda yao. Même si on dit cette zone-là, le mariage vous allez trouver dans l'église, chaque jour à l'église, mais on ne la prend pas à la mariage. À mariage, oui, frère, pas au mariage. Ses frères ne s'absentent pas à l'église. Mais il arrive à manquer même les chaussures. Et même qu'ils disent qu'ils partent souvent à l'église. Où est Dieu maintenant? On a des croyants comme ça ici. Tout qu'on a bamini fubaivi pa ifashi. Eux croient que bon, on a être chrétien veut dire manake, devenir riche mutajiri, et tout va bien. Tout. Ça c'est faux. C'est l'évangile de tous ces. C'est soi-disant. Pasteur de l'église. Toutes les églises ici sont fausses. Ils croient qu'être devenir chrétien, c'est être prospère, avec un grand cortège de véhicules. Si Pierre et Paul se réveillaient aujourd'hui, ils seront étonnés. Paul dira, l'évangile que moi j'ai prêché. Que je sois en cortège comme ça. Paul dira non. Ce n'est pas ça. La base de l'évangile, devenir prospère. Et vous croyez que là, c'est une source du salut? Non. C'est une source de démons. Il est le chemchem ya mademona. Et mon cœur est tranquille. Na kana misema moyo wangu kutumizana bina joke sema nous nous suivons par l'internet. Na ben on te fait pas mtandao. Que ceux de Dieu. C'est ma barbungu. Qui sont là-bas? Quand ils entendront ça sur la voie de l'internet. Dans leur cœur, quelque chose dira. Qui tu crois que tu vas me faire la vérité? Ijobi akweli. Ils feront l'exode. Batatoka. Bon embarique. Seigneur bénisse. Parce que Dieu a encore des brebis partout. Et Dieu a permis que la technologie aujourd'hui, même dans la maison, pour les élus, frère, l'ange arrangera les choses. Lui fait partir d'une dénomination quelconque. Il se connecte. Il voit Kambov Tabernacle. Il se dit, je suis un peu ces gens. Et l'ange le couvre. Frère, il suit. Il suit. Lui-même dit, non, c'est ça la vérité. Je dois quitter mon église. C'est quoi? C'est l'action de l'ange. Et un jour là, vous verrez un homme, vous verrez une femme qui entre là de manière discrète. Dès qu'il arrive, l'ange qui l'a attiré depuis sa maison là, se tient ici. Maintenant, pour parler à son cœur, c'est comme ça que les choses de Dieu ont commencé avec nous. Il va te convaincre. Tu regardes à gauche. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. On a ça avant tout le monde. Et puis tu dis, ces gens ici, ils sont des gens de Dieu. Toi-même, dans ton cœur, tu vas les dire, et Dieu est ici. Et tu prends la décision. Bon embarique. Le Seigneur bénisse. C'est comme ça que ça a été. Et les gens, ses amis ont venu voir Job. Ils sont commencé à s'y. Et pourtant, suivez. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9. Moubiri Tissa. Ecclésiaste 9, verset 1. Moubiri Tissa. Oui. Dio. J'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Salomon, c'est en se poser des questions. Comment expliquer qu'un croyant véritable Et un membre d'église, un formaliste, le croyant souffre, manque de, même du pain, mais l'autre là, le faux, ses affaires prospèrent. Salomon se posait des questions. Salomon a dit, c'est pas possible. Mais les dieux là, que l'autre adore sincèrement, Dieu qui parle à son cœur, ne peut-il pas le guérir ici? Mais l'autre ici vit dans une bonne santé. Lui essaie de faire un chant, ça ne marche pas. Comment Dieu le laisse comme ça? J'ai fait l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, leurs travaux sont dans la main de Dieu. Toutes choses sont entre les mains de Dieu. Dieu regarde et dit, Romain, prends. Julien, prends. Ah, c'est Dieu qui partage. Il dit, oh, c'est Dieu qui partage. Oh, mes liens de famille. Oh, des liens de famille. C'est ça l'évangile dans toutes ces églises. Allons à la montagne. Nous allons gêner pendant trois jours. Ce sont des liens familiaux. Nous allons briser. Fais tomber. Yabongo. C'est faux. Yabongo. Non, Mouze Madassani. Achetez les Dassani. Aspergez dans vos maisons. C'est faux. Tout est entre les mains de Jésus-Christ. C'est lui qui donne. Ni un Dieu n'a Kaboula. Ici, il donne beaucoup. Ici, il dit non, toi. Je suis jaloux de toi. Nikola Bouy, vous en avez. Mais non, Pacha, mais tu l'as. Tu l'as, Karibou, ça n'a pas. Toi, je vais lui donner beaucoup. Qu'il puisse en aller. Le mien, je suis jaloux avec eux. Amen. Amen. Et l'amour aussi bien que la haine. Ma pendo a t'avait chuki. Donc tout est entre les mains de Dieu. Je te mets en amour. C'est-à-dire. C'est ma. Dieu. Mum. C'est lui qui sauve. Ni enjo la okoa. C'est lui qui produit l'amour. Ni enjo et qu'on a tout ma pendo dans les bateaux. Na moitié Satan. Chuki ni coule. Ah la haine c'est là-bas. Ici c'est l'amour. Bon embarrage. Les hommes ne savent rien. Bateau abajoua qui tout. Tout est devant eux. Na biote kumbele abu. Mais les gens ne savent rien. Mais par la grâce du Seigneur, son peuple connaît toutes choses. Nous savons que c'est lui qui bénit les gens, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui donne le mariage, c'est lui qui donne l'emploi, c'est Jésus-Christ. Nous savons. Verset 2. Tout arrive également à tous. Mambo yote iguna fika kubantu bote. Le chômage. Na bamba kabantu bote. Ça peut atteindre tout le monde. Malaria. La maladie. Na bamba bantu bote. Peut toucher tout le monde. Mateso. La souffrance. Na bamba kabantu bote. Peut atteindre tout le monde. Commerçant mon Christ. Un commerçant chrétien peut tomber en faillite. Un commerçant païen peut tomber en faillite. Même sort pour les justes. Matokio mamoya. Et pour les méchants. Na kubatu babaya. Pour celui qui est bon. Kwa ule mwenye kwa mzuri na safi. Et pour celui qui est. Na kwa ule mwenye kwa mchafu. Pour celui qui sacrifie. Kwa ule ekona toa un mwaminifu. Un chrétien. Na kwa ule asina mwaminifu. Un païen. Il en est du bon comme du pécheur. Kwa mzuri na kwa mtenda zambi. Amen. Amen. C'est ce qui est. Et nous, Dieu nous a éclairé. Na Mungu shere tuangazia. Maintenant, comme tout vient de Dieu. Savez bitu yote yatoke kwa Mungu. Regardez comment le Saint-Esprit l'a interprété. Mungaye nana kani romta fi tafsi muagano jipya. Ça doit être Jean chapitre 3 verset 27. Muyoane tatu mustara kema kumibi na saban. Nazaine ni. Un homme. C'est un mutu. Ne peut recevoir. Anawezi kupokea. Que ce qui vient de chez le Kasaya. Paka kiki kwa Kasaya apana. Un homme ne peut Moutou recevoir que ce qui vient du ciel. Si le ciel t'avait vu véhiculer, tu trouverais le véhicule. Si le ciel t'avait vu vivre en Europe, tu vivras en Europe. Si le ciel t'avait déjà vu terminer ta vie à Kambo, pas chercher à quitter à Kambo par témérité, par force. Tu pleureras et tu rentreras à Kambo. Frère, moi, Kambo, ce n'est pas mon niveau. Et le ciel t'a vu où? tu parles aux hommes, tu oublies que toute décision vient d'en haut. Pose la question. Moi, je dois vivre en Europe. Moi, il faut que l'homme qui doit me marier soit. Et le ciel répond. C'est le ciel qui a la décision. Amen. Amen. C'était comme ça avec Job. Et c'est comme ça avec Job. Par la grâce du Seigneur, nous sommes le peuple qui se nourrit et qui boit à la source. Donc pas de confusion. Pas de confusion. Là où sera mon corps, là, s'assembleront les ailes. Nous sommes là, là où on a battu la nourriture du jour. Il y a Léo. Pour aujourd'hui. C'est ce que nous mangeons. Bonne embarique. Si tu es visiteur ici, je sais que et c'est comme ça qu'on prêche. Oui, parce que nous on a l'ange ici. Qui est tout le monde malaïka? L'ange du Seigneur. Malaïka au bois. Qui allait visiter Abraham? Il est avec nous. Il est ici. Et quoi? Il est avec moi. Et pas moi un ami. Bonne embarique. Le Seigneur bénisse. Il est ici. Et pas moi un ami. Alors Job. Toutes ces accusations là. Makuchonga côté. Job leur a dit non. Vous n'avez pas un bon discernement. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas fauté. Si un modèle de chrétien, je suis l'un. Job 6. Job 6. Job 6. Job chapitre 6. Yobo Sita. Verset 8. Moussakia. 9, prenons 9. À la maison, lisez. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser. Donc Job a dit, mais Mungu a fait qu'il en attaque à mille. Dieu fait sa volonté. Si je n'ai pas. Qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation. Les chrétiens, ouvrez vos oreilles. Il me restera une consolation. Une joie dans les souffrances dont il m'accable. C'est quoi ça? Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Misha vunjaka agizo amtakatifu. Je n'ai pas brisé sa parole. C'est ça ma consolation. C'est ça ma joie. Et dans la souffrance, moi je n'ai pas brisé sa parole. Amen. Regardez ce qui me calme, qui me tranquillise. Dans cette situation où je traverse, je n'ai pas brisé la parole de Dieu. C'est ça ma consolation, c'est ça ma paix. Même quand je suis accablé par la souffrance, même si je ne me prends pas mariage, même si je n'ai pas l'emploi, mais une chose, je suis sûr, je n'ai pas brisé la parole de Dieu. Je suis Moussawa avec mon Dieu. Ces gens de chrétiens, ils sont où? Ils cherchent à être en ordre Moussawa avec Dieu. Même si la famille les accable, même s'il est taxé de tel, même lui il peut dire une chose dans tout ce qui se passe, ça n'a pas d'impact dans mon cœur. Mais la chose que je suis sûr, du comme Moussawa dans Ouessoyoti. Que le Seigneur bénisse. C'est ça le christianisme qui est être seulement en ordre avec Dieu. Moussawa tout namoum. Pas toute autre chose. Je n'ai pas transgressé les ordres du Saint. En d'autres termes, tout ce que la parole disait, je le faisais. Est-ce que c'est ce que tu es, ma soeur? Mungu frère, il a un cahier de souvenirs. Dieu a un cahier de souvenirs. Maintenant, il se souviendra de toi sur quoi? Aujourd'hui, il y a des frères de ceux qui ont des problèmes. C'est faux. Les gens ont des problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons dire au Seigneur? Qu'est-ce qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur pour que le Seigneur vienne te sortir de la situation dans laquelle tu t'es trouvé? Tu es bloqué? Tu es en difficulté? Tu es en difficulté. Quand le Saint-Esprit parle ici, ayant inventorié, inspecté chaque cœur, frère, c'est pas pour rien. Quand nous prions, nous demandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Il est celui qui peut aller d'une chaise à une autre. Et il va me dire, arrête-toi ici. Qui peut dire que Seigneur, c'est ma boîte. Je suis en ordre avec toi. Sawa, mais regarde ma situation. Et que Dieu intervienne. Que Dieu te sorte de ta situation. Pas moi. Pas même moi, j'ai besoin de qu'il me sorte de ta situation. Parce que selon sa promesse, Zacharie, chapitre 9. Tu es là comme dans une cellule de prison. La situation là te tient comme un prisonnier dans une cellule. Zacharie chapitre 9. Zacharie dit ça. Zacharie, c'est avant Malachie. Zacharie ni mbele ya Malakia. Zacharie 9 verset 11. Pour toi kwako wewe, à cause de ton alliance scellée par le sang, pour Jésus, à cause de l'alliance qui a été scellée par le sang à Golgotha, qu'est-ce que Dieu promet? Je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. À cause du sang de Jésus, Dieu promet de nous sortir de chaque cellule là où nous sommes prisonniers. Mais tu es en ordre avec Dieu? Voilà la question. Joe Lizo. On est chaque charatika. Tu as déjà commis la dureté. On a là la banamou. Où tu as déjà brisé. Tu as déjà sorti. On a compris. On a fait un peu de banataka. Mais néanmoins, les dimanches, vous allez voir la 7 jours. Et tu as un peu. Ici, frères et sœurs, nous sommes comme au temps de Gédéon. Dieu doit faire une sélection parmi nous. C'était un jour. Gédéon devait aller à la guerre. Gédéon a Dieu lui dit non. N'amène pas toute cette foule là. Ici, frères, nous devons aller dans l'enlèvement. Et Dieu doit faire une sélection. Au temps de Gédéon, Dieu lui dit non. Toi, tu ne sauras pas. Amène tout le monde devant la parole. Wapeleke kumbele ya neno. Aux sources. Là, à la source, à la rivière. Amen. Moi-même, je vais prier le mien. Amen. Amen. Parti et dit allons à la parole. À la rivière, allons. La parole va trier les gens ici. Christ lui-même connaît l'esprit de chacun. Et quand ils sont arrivés à l'eau, frère, le Saint-Esprit là descend. Kashuka. Ceux qui étaient faux, sont entrés même dans l'eau. Et ils ont dit, prends seulement ceux qui vont prendre de l'eau par la main bois. Les autres, ceux qui vont se plonger dans l'eau, tu les laisses. C'était ça la sélection. Je ne voudrais pas, mais je risque de déborder. Dieu promet de nous sortir de toutes sortes de captivités. Que ce soit les péchés, nous c'est une captivité. Toute mauvaise vie, c'est nous fungwa. Amen. Romoubaya, c'est une captivité. Mais à cause du sang de l'alliance de Golgotha, Dieu a juré Que tout captif, je dois lui tirer de là. Maintenant, baptisé au nom de Jésus. C'est supposé que tu es sous l'alliance scellée par le sang. Mais tu es encore dans la captivité. C'est faux. C'est une captivité. Il est sans raison valable. Bila sa babu ni ufungwa. Et ici, apa. Bon nombre sont des captifs. Ba mingi ni bafungwa. Mais se revendiquant être sous le sang. Mais lakini bena sema yuko chini Adam. Non. Pan. C'est faux. Bia bongo. C'est faux. Bia bongo. Ce jour-là sur le calvaire. Maobi il est chiku pa calvario. Ce jour-là sur le calvaire. Il est siku pa calvario. Citation, prédication prêchée le 25 septembre 1960. Maobi le 25 septembre 1960. Oh. Citation 61. Nous t'aimons comme ici dans la moja. Ce jour-là sur le calvaire. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Le prix était payé. Et l'esclavage de Satan était aboli. Gardez encore les gens dans la captivité. C'était terminé de ce jour-là. Les chrétiens étaient là. Tanga pas Golgotha. Si toi tu dis aujourd'hui que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, que tu crois à l'œuvre de la croix, cela veut dire toute captivité du diable, là où depuis le jour où tu as pris la décision de croire, Satan a lâché. Le diable a lâché prise en Assyria. Satan a déjà lâché. Le diable a chaque Assyria. Pourquoi, pourquoi vous ne bougez pas? Beaucoup de captifs. Parce que bafungwa bamingi. Il a dit non. Délivrance, il faut nianguke kochi. Délivrance, je dois rouler par terre. Il est noué. Selon Dieu. Mais la qui ne coupe la foi. C'est ça la victoire. Nushine. Aïe na mambo kwanguka ou gêner. Pas question de gêner ou de se rouler par terre, tomber. Non. Quiconque croit. L'esclavagisme de Satan doit s'arrêter. Et ça, Satan est informé. Quiconque, en tout homme, toute femme, en qui l'œuvre du salut vient de s'accomplir, Satan lâche. Mais comment tu es dans cette condition? C'est l'œuvre de Dieu qui s'est opérée en toi? Non. Si tu crois, le diable doit lâcher. Mais d'où vient que c'est l'œuvre qui s'est accomplie. Il faut nyombe sana, frère. Non. Satan lâche le diable quiconque croit. Et pour croire, il faut que celui qui suscite la foi vienne à toi. Est-il venu? S'il est venu, qu'a-t-il fait? S'il l'a fait, d'où vient que l'esclavage persiste? Frère, la nature nous enseigne. Paludisme grave. Il faut 5 charges. Chaque 8 heures, charge. Chaque 8 heures, charge. Chaque 8 heures, 4 heures de repos, charge. 8 heures, quand ça persiste, le médecin se retire. Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous fait ceci? Kanuni ya les heures madakika wala masa ya kuweka kipompa tout a été respecté. Adieu, te tureshimio. Non, il faut chercher la cause ailleurs. Ah, tutafute fashi ingine. Amen. Amen. Sinjo vile mambo ya mudoni. N'est-ce pas ce qui se passe dans le monde? Tuberculose. D'accord. OK. Antituberculeux yo yikunya. Kuna hivi. Prends comme ça. 6 mois après. Bien ici Takisha. Est-ce que bien? Tu as respecté la cure. Tu as terminé la cure. Mais d'où vient que la tuberculose persiste? Ça, sa tuberculose, il n'est pas là. On se pose mille et une questions. Alors, ça, tu dis, ça. As-tu cru au Seigneur Jésus? Et tu vois, il y a mini toi qui t'a Jésus vraiment a touché à parler à ton cœur. Mais le, comment demeures-tu esclave? Ça, ça, Dieu a nous la baquée à tout moi. Chétan. Kanisa, tu vois pas? L'église, sommes-nous là? On a baquée à tout moi, Chétan. Maintenant, l'église. Comment tu demeures esclave du diable? Le prix est déjà payé. Et l'esclavage de Satan est aboli. Abolition veut dire supprimer. Ça ne va jamais exister. Que le diable te saisisse. Puis te retourne encore chez les prostituées. Tu nages. Tu nages. Tu viens ici, mais quand tu rentres, tu filmes, tu prends la bière, tu vas dans des réunions tribales, à l'école, les jeunes garçons te touchent au sein. Non. C'est faux. Dieu remet entre les mains de l'homme le moyen de retourner à ce qu'il cherchait. Mungu enapatia mikono ya mtu namna ya kurudia kubila ranza tafuta. Frère, par la grâce du Seigneur. Wale mabwana. Moi mes parents c'était des païens. Wazazi yangu wako pagano. Eh, mon père n'a jamais été dans une entreprise. Baba yangu ashatumika mkampu. Mimi na koma paka kuzisha ku comptoir. J'ai grandi en vendant. Les sardines, les tambours. Amener la bière. Jusqu'à quand j'ai rencontré ma femme. Fika na pale nikutana bibi yangu. C'est-à-dire, hein? Kusema. J'ai vu la prostitution des grandes personnes. Mimi na bundumba ba watu wakubwa, ba bakwa mdoa, bundumba ba babinti. Mimi ce qui me frappait, c'est qu'il y a un prostitué frère, Bandumba, ba véritable Ndumba, ba, le vrai prostitué. Ah, c'est mes petits José. Les José. Mon guani peut que tu que Dieu m'accorde. Mais n'achou qu'un homme. Je suis fatigué. C'était de cette quoi? Vie. Quoi? Regardez comment on voyait les choses. Ah, bien toi, ça qu'on habite quoi tout. Monte à la couille. Quelqu'un vient. Ana mutu masi wende tu kule kwa le nom de ma soeur. T'en vas quoi quoi dedans? Les frites, tout ça. On va faire pour toi les frites, tout ce que tu manges. Il a déjà consommé tout ça. Les types en question ils n'arrivent pas. Des il faut que tu ris pas. Des il faut nous payer. Et ça m'embrouille la dame. Comprenez-moi. Comme Camalon de te comprendre. Mais toi tu es des Camalons, donc comment est-ce que je vais te trouver? Paye-moi. On est ce que mon homme cassé. La femme. Mungu wangu. Mon Dieu. J'ai dit. Donc il y a Dieu. En coucou Mungu fashimoya. Aide-moi, aide-moi qu'il puisse m'en sortir de cette vie. Et quand vous regardez une belle femme, maintenant, c'est mais papa n'a pas été beau, on a pas tellement beaucoup aimé. Toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Maintenant, je suis fatigué de cette vie. Ça, je l'ai entendu. J'ai vu comme ça au comptoir. Elle parle. Au comptoir, ndumbe qu'on a c'est ma vie. Mais c'est dans la principe n'est pas la ringue. Mon avocat, principe, tu dois nous donner l'argent. Écoute à l'état. Comme ma sœur comptait beaucoup sur moi, j'étais très sérieux. Dada, on va ça qu'on y écoute. Tu m'as dit à ça pas parce que quoi vous dire Dada, l'état m'écoute. Tu as fait un film une fois. Ah, tu fais des scènes ici. Bonne embarque. Et donc ben. Elle en avait marre. Na ule da ule ndumbari choka. Elle était déjà fatiguée de ça. Choka ile maisha. Demandez ce qu'ils ont passé dans la prostitution. Venez à moi, voilà l'écriture. Vous tous qui êtes chargés de la musique, je vous donnerai le repos. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu sura ya 11. C'était un jour, frère. Quoi est-ce que moi, hein? Jésus était dans la joie. Il est comme fura ça, frère. Dans sa joie là, fura, il lâche cette déclaration. Akatuba imse. Fura chaque mupita. Et J'étais dans la joie. Frère. Était un peu de coutaille, mais dans la joie, il crie, verset 25, Jésus prit la parole et dit, Alléluia, Alléluia. Je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents, et tu les as données seulement aux enfants. C'est-à-dire, tu as donné ça seulement aux enfants, tes enfants. C'est eux qui connaissent ça. Les enfants de Dieu, tu vois là. Écoutez. Oui, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Na kusi fukwa vilo ripenda biko hivi. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ce que nous disons ici, pour toi c'est la mathématique, c'est compliqué. L'ange dit ouais ni mathématiques. Malaika iko hapa wewe ni bia nguvu ni mahesabu. Toutes choses m'ont été données par mon père. Baba yangu. Et personne ne connaît le fils. Hakuna mtu anayejua mwana kama ina baba. Personne ne connaît non plus le père. Hakuna mtu anayejua baba vile vile kama ina mwana. Eh, ah c'est lui que je veux le révéler. Na kwa ule mie mimi napenda kumfunulia abio. Yes. Jésus, il t'a révélé. Tu restes esclave. Douku. Arrête de mentir. Ma soeur, arrête de mentir. Jésus s'est révélé à toi. Ça brise les cèdres du Liban. Il ne craint pas beaucoup de gens qui minent les coulisses. Ouais, il est mutikani wiko. Jésus n'a pas su briser. Yesu ashinde kuvunja. Même si tu es du Kassai. Attends, moi au Kassai. Ou au Katanga. Ou au Équateur. Jésus. Yes. Tout en maintenant. Moutouo, t'es quoi qu'il y a de Mouchi? Quand Jésus rencontre. Ou à Katia la Bumba dans les Mouchi. Il n'a pas ce Pasuka. Bonne assifiwe. Que Seigneur soit loué. Yesu est quoi? Jésus, il est ici. C'est lui qui parle. Nani est Jora Seba. Il est ici. Et quoi? Maintenant, dans sa joie là, il ne voulait pas lâcher ça. Mais il lâche. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ah, donc le père et le fils, tout ça, c'est toi. Bote ni wewe. Kusema mtu kulala tunapaswa kwenda haina ngoi haina bashemashi ule tunapaswa kuongopa haina ngoi wala ni Yesu Kristo. Amen. Venez à moi. Kujeni kwangu. Mwe bote kulemewa na kuchoka. Oh. Que vas-tu faire? Atafani. Je donne le repos. Mie ni kunaleta sa mapumziko. Ulikuwa mkifungwa. Mkifungo mimi nakutosha. Et je te donne du talala. Na mimi nakupatia uhuru. Na wewe mwenyewe unasema Mungu wako. Seigneur merci. Mimi nahangaika sana. J'ai beaucoup souffert. Amen. Amen. Prenez maintenant. Bébé. Je vous fais sortir de cellule. Mimi tosha mfungo. Prenez maintenant. Bébé ni ça. Bébé nira yangu. Sur vous. Yulienu. Et recevez mes instructions. Na mupoke mafundisho yangu. C'est pourquoi Job dit. Je commande à Yobo raza sema. J'ai attaché à ses pas. C'est comme ça que j'ai vivé. Si vous prenez déjà le jour, et il recevait les instructions. Et il marchait seulement dans les instructions. Amen. Amen. Car je suis doux. Nico Bolé. Quand il parle dans le cœur, là, quand ne pensez pas pour briser votre cœur. Pensez déjà que vous ne vous tocquez pas. Il ne pas ce qu'on a mis qu'à Pana. Nicolas Casauti, quand il est au Casauti, est tellement entouré d'amour. Nico Nye Kuzunguka, n'a pas peine de Nuku. Tu sentiras vraiment que même mon père ne m'a jamais aimé comme ça. Même ma femme ne m'aime pas comme ça. C'est dans sa douceur. Il est enveloppé de l'amour. Et cet amour nous rend joyeux. Cet amour nous rend obéissant. Quel est cet homme qui tombe comme ça? Quel est cet homme de Jésus qui a parlé à mon père et qui t'a laissé comme ça? À quoi tu as vu? Non. Ce n'est pas correct. Je suis doux et humble de cœur. Donc, les gens avec qui tu étais, ils ne sont pas comme ça. Boni kuku kankamisha. Et c'est forcé. Olingolingate. Que vouloir ou pas, tu dois copier la terre, tu dois voler la dîme, tu dois voler. Chukia. Tu dois haïr. On boude, tu dois bouder ton mari. Iba. Tu dois voler. Bonne embarique. Ah. lui il est doux. Mais là qu'il y a même ses enfants doux et humbles. Quand tu vois l'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. Il a été comme un. Quand tu vois la prostitution, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mutapata mapumziko njoo manafsi yenu. Tu verras toi-même dans ton cœur. Là que tu es devenu tranquille. Même si tu es au chômage. Même si tu n'as rien. Tu te sens en sécurité. Tu sens vraiment que. On est quoi bintu biku bien. Les choses marchent. Bintu bien de quoi. Les choses ne marchent pas. Nous c'est pas où est-ce que nous allons. C'est toi. Dans le royaume. Mufal meyetu. Tout est bien. Bintu yote bine ndekaka. Tout est bien. Bintu yote u salama. Amen. Amen. Car. Guan. Mon joug est doux. Nira yangu ko ya uzuri ka upole. Ça ne va pas te faire mal. Ça va te fatiguer. On met ça au. On met de bois sur. Ça fait très mal. Même quand je regarde les vaches. Attends, quand je me nomme. C'est vraiment pénible. Mais son joug à lui. Mais la parole frère pour nous. C'est comme du miel. C'est bon. La parole pour nous. Elle fait la joie. Elle nous donne la paix. La parole pour nous. Les commandements de Dieu. Ils sont pénibles. La parole de Dieu est douce. Bon embarque. Et mon fardeau est léger. Comment un fardeau peut être léger? Donc en soi, il n'est pas un fardeau. Amen. Job. Yobo. Il me reste combien? Faut que vérifier. Je ne sais pas comment faire. Job maintenant. Yobo. On retourne. Job 6. Turudie ku Yobo sita. Job 6. Yobo sita. C'est là où nous étions. Je ne veux pas être couillard. Quand Mungu anakutosha mubutu mon frère, abina bia bongo. Lorsque Dieu te sauve, ce n'est pas. Je termine la citation et on est à Job 6. Suivez. Citation 61, ce jour-là sur le calvaire. Dieu remet entre les mains de l'homme. Le moyen de retourner à ce qu'il cherchait. Ces prostituées cherchaient, c'était de trouver. Maintenant, comme on a mine, si toi tu crois, la voie elle est frayée. Tu rentres à Dieu. C'est fini. Le Dieu qui donne tout, tu rentres entre ses mains. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. 61. En plus, quand il brisa la colonne vertébrale de Satan là au calvaire, suivez, cela ramena tous les êtres mortels de la terre dans la présence de Dieu. Il est écarté, chabale bot, quoi ça coupe à banaruri à mon père Mungu. Depuis Golgotha, Dieu a permis que les habitants de la terre ont la possibilité de retourner dans la présence de Dieu. Esaïe 28. Isaïe, suivez comment ça s'est dit très bien là-bas. Que le Saint-Esprit lui-même fasse ce qu'il veut, moi j'ai. Ah, Esaïe 26. Makumbina sita. Esaïe 26. Makumbina sita ya Isaya. C'est très long, mais je prends seulement. Verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Nous n'avons pas de cocola. Le repos, la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc, c'est Dieu qui l'accomplit à ma place. Dieu peut t'envoyer chez les prostituées. Dieu peut t'envoyer chez les politiciens? Non. Dieu peut t'envoyer à haïr? Non. Dieu peut t'envoyer à voler? C'est toi qui l'as fait. Là qui nous enfagne, c'est toi qui agis en nous. Et tu nous donnes la paix. Pourquoi? Éternel, notre Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Pourquoi des égards? Toi-même tu es sauvé. T'es dit. Akika, je suis maintenant en paix. Tu as compris pour moi les choses. Mais il y avait des gars qui m'ont laissé avec de mauvais souvenirs. Ils m'ont fait agir. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais la quine. Grâce. Néma. La grâce. Néma. Ça ne demande pas de gêner. Ça ne demande pas la force. C'est grâce. Ça demande la Néma. C'est grâce à toi. Néma yako. Seul. Que nous invoquons maintenant ton nom. Je tourne en bas. Léo, c'est-à-dire, attends, qu'on a maman. Aujourd'hui, même s'il y a problème, je t'invite que toi. Attends, quand tu même si je suis dans je t'invite et je t'appelle seulement toi au secours. Amen. Amen. L'œuvre du Golgotha, de Golgotha donne à tout homme mortel la possibilité de revenir à Dieu. Es-tu revenu à Dieu? Mais Dieu, c'est le plus fort. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Suivez ça, frère. Le mystère du salut, c'est dans ces choses que nous lisons. Tu vas te demander, mais ça se passe comment? Que le plus fort ici vienne vers toi. Amen. Luc chapitre 11. Suivez maintenant. Verset 21. Lorsqu'un homme fort est bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. C'est correct. Il est fort. Il est fort plus que nous. Il peut nous garder en prison. Il peut nous garder dans le tribalisme. Il est fort. Il peut te garder, t'amplifier, être prostitué. Tu n'écoutes pas les parents, tu n'écoutes pas ton mari. Tu peux voler, tu peux tout faire, être avec Kabila. Où est nous en gouffre? La Bible le reconnaît ça. Mais là, Lakin. Le son de la trompette est là. Ah, Mourilio a parlé de la panda. Mais, Lakin. Si un plus fort que lui survient, Kama Wanguvu Zaidi Kushindi Ana Tokerea, Duk. Le plus fort, Wanguvu Kabisa. Nous étions comme ça, parce que nous étions esclaves. Nous étions en route. Suivez bien le vocabulaire. Fate bien Moussemou. Le plus fort, lui, Wanguvu survient Ana Tokerea. Ana Tokerea. Tu vois, est-ce que tu les amènes? Tu vas où avec nous? Et ma prière, Naomi que le plus fort survienne dans votre vie. Amen. Amen. Mais lorsque le plus la fort survient et le dompte, il va le maîtriser. Et toi, tu diras, c'est vieux, il est maîtrisé. Mais c'est pour te rendre libre. Mais on l'a maîtrisé. Toi, il te maîtrise en toi. Anakobamba, la kushkutisha pata. Est-ce que tu es sauvé? Onisha kokoleo. Voilà la conclusion. Njo mwisho mambo. Dompter quelqu'un. Kutawala mutu. Ni kumumaitriser. C'est le maîtriser par kutisha, mfunga pale. Wewe ule barikwa basha kobamba. Toi, tu étais prisonnier. Moi, j'ai bloqué celui qui était fait prisonnier et je t'ai dit va attendre maintenant. Et tu diras, après, là, je ne sais pas marcher, je ne vois pas. Là, tu es insensé. C'est lui qui dominait sur toi, il est là. Je lui ai mis par terre. Et à Golgotha, toutes les dominations, toutes les autorités, là, je suis dans Colossiens 2, verset 14, 15. Il a triomphé de toutes les dominations. Et elle les a fait passer publiquement comme dans un défilé. Ça va vous défiler, mon pita. Allez, moi je couche fort, Qui sont ces gens-là? Ni bal tout cas, ni bal. Tes anciens maîtres. Ni bal, barans à Koutawala Zamani. Mais là, toi, tu tournes. Yo, venez encore me dominer sur moi. Ogi, tu as entendu? Ogi, on a chikia. Hein? On a chikia. Ça va. Je le vois sourire. Il faut que le plus fort te tienne. Et tu verras que tu ne retourneras jamais en arrière. Le dompte. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Quelles étaient l'arme dans laquelle il s'est confié? La ruse. Il est un rusé. Il est un rusé. Il est un menteur. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous sortira. Na ile ukweli itemitosha kwa uhuru. Lui son arme. Yeye silaha yake ilikuwa ni le mensonge et la ruse. C'était ça sa force, c'était ça ses armes. Mais maintenant nous on a la vérité. Nous tourna ukweli. La vérité. Na ile ukweli. Le Saint-Esprit par frère. Bon takatifu kutiana bwana anasema. Ukweli. Vaincra Satan partout. Itamushinda shetani mu mambo yote. Avez-vous la vérité? Et tu Mais le tribalisme gagne contre. Et qui kabila qui n'a pas la tena namna kani? Voilà. Non. La vérité gagne Satan partout. Ukweli inekalamu kushinda Satan fafchi yote mambo yote. Quand Satan a osé. Wakati Satan a répima. Matthieu chapitre 4. Matthieu sura kaini. Jésus termine le jeûne. Yesu anaisha kufunga chakula. Satan arrive. Satan anakuja. Les rusés. Mujanja. Les menteurs. Mudanganifu. Il arrive. Afika. Devant la vérité. Mbele ya ukweli. Vous connaissez la suite? Unayoya ilifuata. Ah, il a plié sa quai et est parti. Toi, tu loges la vérité. Oui, au kuna ukweli ndani yako. Fils de la vérité. Utoto ukweli. Satan arrive. Shetani anakuja. Il trouve la vérité. Anakuta ukweli. Piétine la vérité. Anakanyanga kanyanga pa ile ukweli. Non. Hapana. Non, frère. Hapana ndugu. Non, ma sœur. Hapana dada. Il le tente. Anakuja. Il lui enlève, anamunyanga tosha bio. C'est-à-dire qu'il n'a pas sous la bio tebila kwanaga. Il a brisé tout ce qu'il avait. Amen. Amen. Et verset 23. C'est lui qui n'est pas avec moi. Où les ananami. Donc il contre moi. Nous sommes en compagnie. Amen. Amen. Si mon esprit. On n'a pas l'air d'expliquer bien les biwiri. Il a facile. Il a expliqué les deux. Il a dit. Maintenant, mon chapoule. Choisissez. Kama kunami. Si tu es avec moi. C'est-à-dire que tu es libre. Avec tu es où? Kama unanami. Tu es libre. Si tu n'es pas avec moi, tu es avec les diables. Contre moi, c'est-à-dire, donc, tu es avec mon adversaire. Mais tu es dans l'église. Amen. Amen. Et celui qui n'assemble pas avec moi, il n'est pas de moi. Job. On termine maintenant. Tu m'alises. Job chapitre 6. Yobosita. Job. Yobo. Je ne sais pas pourquoi toutes ces parenthèses ici. Job chapitre 6. Yobo sita. C'est un livre qui peut nous. Frère Branham, en son temps, il a prêché ça pendant plus d'une année. Job chapitre 6. Verset 8. On a accusé Job, frère. Pour dire que non, non, il y a quelque part, tu as fait quelque chose. Verset 24. Instruisez-moi et je vais me taire. Munionyeshe fashimiri kotola na mitekala kimya. Là où je fais les erreurs. Batoto ya Mungu. Les enfants de Dieu. Mutoto ya Mungu abia kweli. Un enfant de Dieu véritable. Kamba na monesha kile sauti ya Mungu inasema. On lui dit ce que dit la parole de Dieu. Fanye. Lui n'a pas fait ça. Kunaishi. Ah, c'est fini. Anaichika. Il accepte, il admet. Pasteur na mini kumuntu. Pasteur moi aussi je suis un homme. Mzee en tout cas. Ancien, écoutez. Mine ni bia kweli bila unasema mbele. C'est vrai ce que vous venez de dire. En tout cas mia abiningie. Mais hauna mtoto ya Mungu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Hauna mtoto ya Mungu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Hauna mtoto. Fais-moi comprendre en quoi j'ai péché. Munyambie ni wapi nilitendea dhambi. Ba frère na ba sœur. Le frère. Unaona pale mnakuyaka ku bureau. Quand vous venez au bureau. C'est pour que le Seigneur Njubwana te fasse comprendre là où tu es tombé. Pale uliangukia. Et quand tu reconnais, na wakati wewe unatambua, na unaelewa kusema ya kweli. Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais ni? On se repent. Tutubu. Ça baba. Je parle là christianisme na kwa modeling. Écoute déformé. Christianisme est devenu déformé na kwa na umbo ingine tu. Les paroles vraies sont persuasifs. Ma neno ya kweli. Quelles sont les paroles vraies? Ce sont les paroles de Dieu. Il est la vérité qui certifie au nom de Dieu que ça, si tu as fait l'erreur, ici la parole de Dieu dit ceci. Amen. Amen. Mais, la que prouvent vos remontrances? Ça, c'est bon, la sema. Montre-moi l'écriture. C'est pour moi, on te dit, la parole de Dieu dit ceci. Nous, on ne parlons pas des autres. Quand je te dis quelque chose, Nico n'a pas les mains qui touchent à mon Biblia. Je te dirai, regarde, il est écrit, il est écrit. Toi, tu es un consommateur ou une consommatrice de la parole de Dieu. Mais maintenant, je te donne ta nourriture, toi tu le jettes. Ça prouve que toi, tu consommes la rue et les mensonges, les armes qu'on avait enlevées à ton maître. Il est baritosha comme alimu yako. Bonne embarique. Merci, Seigneur Ménis. Nous nous donnons la parole. Ceux qui sont de Dieu, écoute Dieu. Ceux qui sont de Dieu, c'est ce que Dieu recommande. C'est ça l'écriture. Bonne embarique. Que Seigneur bénisse. Et Job. Na yobu, pour terminer, je ne saurais pas se compliquer. Job leur a dit non. Wambia, je n'ai rien fait. Je fais kintu. Je vous dis sincèrement. Miambia na moyo wangu. Dieu connaît mon cœur. Mungu anajua moyo wangu. Et même dans mes souffrances na ici. Écoutez la déclaration là. Job 27. Il leur a dit, je sais une chose. Mungu mina shindwa mina tafuta uvuto façon anayesumuziaka mina shika kukupaka kimya. Comment il me parle, c'est toujours calme. Bwana mbariki. Job 27. Ase mushike sauti yangu ya mwisho. Écoutez maintenant. Job 27 verset 1. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse. Mushike sauti yangu ya mwisho. Mushike kwanza. Écoutez maintenant, c'est que je dis. Dieu qui me refuse justice, Mungu uranikataria waki. Eko mushini. Il est vivant. Parce que c'est lui qui me parle, m'a toujours parlé. C'est lui qui m'avait parlé. C'est lui qui m'avait attiré. Et il est vivant. Et dans ça, c'est lui qui devait donner la réponse. Mais comme il ne répond pas, c'est toujours calme. Il est vivant. Il sait tout. Bonne embarique. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume. En tout cas, il est vivant. Frère, en ce temps-là déjà, Dieu savait que Dieu était un Dieu vivant. Mungu. Même quand j'ai prié, je ne vois aucun signe. Pour moi, ce n'est pas un problème. Aina mambo. Dieu ici m'a exaucé, m'a écouté. Maintenant, son silence ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Son silence veut dire qu'il est souverain. Et c'est de Dieu. Le silence de Dieu veut dire qu'il ne rencontre personne. Lui-même est souverain. Tu ne peux pas le commander. Bonne embarique. Je ne peux pas le commander. Maintenant, regardez, même quand il y a silence, j'ai prié pour demander un mariage, pour demander, je ne sais pas, du travail. Silence total. Je ne dirai rien de faux. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, je ne ferai rien d'injuste. Je suis en ordre avec lui. Bonne embarique. Que Seigneur bénisse. Oh, abanyo, ouais. Oh, mes pampas, mon frère, j'ai pas d'abord l'ombashi. J'ai pas d'abord Kolozi. Oh. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Le Tout-Puissant est vivant. Oh, oui, Zoyo, t'es le Mujima. Il est vivant. Limujima. Loin de moi, la pensée de vous donner raison. C'est ma j'ai péché. Non. Il n'y a pas de problème. On n'apprend pas mariage. Il n'y a pas de problème. Il sait, Dieu sait pourquoi. Il ne travaille pas. Dieu sait. Toi, il ne faut pas parloter. Celui qui a le secret de tout ça, c'est Dieu. Nous, taisons-nous. Amen. Amen. Dieu connaît toutes choses. Loin de moi de vous. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Amen. Verset 6. Deuxième partie. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Mais la tes jours, tu les passes comment? C'est pourquoi Job, chaque jour, il offre son holocauste. C'est lorsque le monde prêche, c'est là que tu vas te rappeler de te répandre. Tous ces chaque jour, nous nous répandons, nous arrangeons notre vie. Pour dire que je ne sais pas, maintenant je dois être prêt. Frère. Job, vous n'allez pas me comprendre. Amen. Job 14. Yobo, kumenaine. Amuteni comprendre. Vous n'allez pas me comprendre. Attendez. Non, Job 9. Tisa. Yobo, Tisa. Job 9. Soit-il ça. C'est Job. Verset 19. Kuminatisa Moussaïk. Recourir à la force. Kukimbiria et Kukimbiria Kungufu. Il est tout puissant. Ah. Ouais, c'est frère, attends comme il a fait. J'ai mes forces, mais non. Non, non, ça, Kungufu Yangu, Beleni. Force. Mimouni, il est tout puissant. Yeni, ouais, à la justice. Et tu ne cours au aki. Comme vous pelez comme Mungu Mukisa. Amener Dieu en justice. Non. Mungu, Dieu ni nous n'en fanye. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Comme une petite rétrograde qui était ici qui n'est plus avec nous. Ça, Mutu Mario, qui a chaque imani à la tâche. Frère José, je m'en assieds que tu connais Mungu. Oui, vous avez toujours dit qu'il y a un son de la voiture. Comment Mungu a résolu quoi? Chaque fois, tu bines, tu bines, quoi? Maintenant, pourquoi Dieu a laissé quelque chose qui passe chez nous? Ah, donc tu veux rendre Dieu en justice? Bines, tu bines, quoi, vilain? Parce que les choses sont vues comme ça. Dieu, pourquoi il a fait ça? Tu recours à la justice, tu amènes Dieu en justice. On a fait à Mungu anze kusamba na wewe. Tu n'es pas mal, tu es malade? Ou mugonjwa wewe? À la justice. Et ni kuwaki? Qui me fera comparer? Nanya te tusambisha naye. Qui me fera comparaître? Unasikia? Nani unanisikikarisha pale? Qui peut faire ça? Moi et toi qui puisse commencer à nous juger. Il n'y a pas plus grand que lui. Hakuna mtu akumshindia. Il n'y a pas plus fort que lui. Hakuna nguvu kuyulu yake. Je ne peux pas faire ça. Bon embarik. Regardez le verset 32. Il n'est pas un homme comme moi. Mungu aina mutu samie. Pour que je lui réponde. Junyaze kumujibu. Pour que nous allions ensemble en justice. Juyena mie twende mukisambo. Avunjani ni Mungu asinipatie mie. Pourquoi Dieu ne me donne pas moi? Mungu anabariki paka ba frère bote. Dieu continue à bénir ses mains. Notre frère nous reste. Ashina muntu saweye. Lui n'est pas un homme comme toi. Pour que tu puisses lui mettre là-bas. Et lui poser des questions. Pourquoi ses frères avec qui nous vivons et on les a embauchés, moi on m'a laissé. Frère, mumkine tumungu tribalisme. Dans notre cité ici il y a des tribalismes. Oh, tu ne comprends rien. Awele webintu. Il n'est pas un homme pour que tu lui parles comme ça, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre qui viendra trancher les problèmes entre moi et Dieu. Que le Seigneur bénisse. Job cherchait quelqu'un qui peut bien être entre lui et Dieu. Qui ose mettre la main vers Dieu et Job. Qu'il y ait quand même un homme. frère. En ce temps-là, il sentait le besoin d'un rédempteur. Comme Dieu est invisible. Maintenant, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de bien m'écouter et qui soit capable aussi d'affronter Dieu. Et toutes ces questions ont trouvé la réponse quand Jésus est arrivé. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et l'homme si ce n'est Jésus Christ. Nous avons un homme. C'est pourquoi Job, je ne voudrais pas vous abuser de votre temps. Quelque part, Job dit, il y a un témoin au ciel. C'est un homme. Parce que comme Dieu, moi je ne sais pas le voir, il est invisible. Regardez, il le dit quelque part. Regardez chapitre 9. Là où nous sommes. Regardez verset 11. Voici. Il passe près de moi. Je ne le vois pas. Il s'en va. Je ne l'aperçois pas. Mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui peut aller vers lui. Il est invisible. Il y a quelqu'un qui peut aller vers l'invisible. Pour aller lui demander au moins checo. Ah, laissez un peu job. La souffrance. Pourquoi qui est un homme qui peut aller chez Dieu, Dieu qui est esprit, Mungu le qui peut parler avec lui, après, c'est mes argona, l'aider un peu ma cause, et lui dire non, ça suffit de là, pardonne-lui, guéris-le, sauve-le, bénis-le, et qui peut rentrer dans le monde, et lui dire, ça va, ça va, Jibu, mais vous êtes là, et tu me compagnes, qui est cet homme, qui est cet homme, Jésus, l'homme, qui est allé vers Dieu, vous l'avez dit à Mungu, Dieu en colère qui a plaidé la cause. Il a parlé comme un avocat. Il a convaincu Dieu. Et dans Hébreu, la Bible dit, il a traversé. Il est entré dans le temple qui n'est pas fait de mains d'homme. Non avec le sang de bouc ni de taureau, mais avec son sang précieux. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Frère, le ciel qui était fâché. Ah, le ciel a signé. C'est pourquoi dans Hébreu il est dit, quiconque vient vers Dieu par Jésus est sauvé parfaitement. Le ciel a signé à cause du sang, à cause du sang de l'alliance. Tous les captifs je vais les retirer. Frère, cet homme-là, c'est Jésus, le puissant vainqueur. C'est à cause de Jésus en qui nous croyons, pour qui nous sommes rassemblés. Chaque malade a droit à la guérison. Chaque difficulté a droit à une solution. Chaque problème doit être décanté. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de médiateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Marie. Il n'y a pas de Sainte Catherine. Il n'y a pas de Saint-Saint. Il n'y a que Jésus que Dieu a accepté. Le sacrifice de Golgotha est le seul qui a convaincu Dieu. Et quiconque croit, Dieu doit le pardonner. C'est pourquoi les apôtres, en parlant à Acte, ils disent, Jésus nous a attesté. Attends, on va lire. Je termine. On était dans Acte, Job 9, je termine ça et je vais à Acte. Regardez le verset 30. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui peut poser sa main sur nous deux, qui le retire sa verge de dessus moi. Fimbo, fimbo et la pita, kukuye komuntu, wakwezi kumonesha mungu, acha fimbo et la pita ngufu. Qui puisse retirer un peu le fouet. Que cette erreur ne me trouble plus. Alors, je parlerai et je ne le craindrai pas. Car je ne me sens pas coupable à moi-même. Et cet homme-là, frère, quand Job parlait, le Tout-Puissant, il a raison. Il a ouvert la fenêtre. Job a vu le rédempteur. Il dit, oh, qu'on écrive ça. Écrivez vite. Que cela demeure. Même si je mourrais, décomposé, mais retenez ceci. Le rédempteur, je le verrai le dernier. Et quand lui se le célébrera, les malades seront guéris. Les problèmes seront décantés. Les pécheurs seront pardonnés. Qu'on écrive ça. Amen. Il faut qu'on arrête. Sinon, je risque d'arriver à 15 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. On ne saura jamais terminer ça. Parce que la parole est éternelle. Job a vu ça. Job a dit, non, retenez ça. Cet homme-là, c'est lui qui a le dernier mot sur la vie de chaque frère, de chaque soeur. Amen. Quel est cet homme de Jésus? On chante ça et on prie. J'entends ces cantiques. Quel est cet homme de Jésus? Ensemble.